stun sur la scène. Je calcule plus mon téléphone. Les jaloux égadis Marcel. Je veux m'écarter des problèmes, mais tout le temps ils reviennent. Même tout seul je promène. Pas tes aides à l'abdomen. Plein pas de les voir tous à tes pieds. T'es trop bonne, t'es trop belle. Ils te la vivent des nouvelles, mais tu réponds pas. Plein pas capri va voir des choupettes à l'hôtel avec sa bouteille. Il a fait le plein de cheat, rosé dans la coupette. Mon maître une talent. Big up les condamnés. Bois mais toi Blonta. Smart, à trois capuchés on se marre. J'finis l'album, on se barre.